faire de la poésie sans jamais s'arrêter. Rester seul dans l'immensité, qui te donne la sérénité quand tu as fait le vide au fond de toi, tu peux la vie.